j'ai mal au crâne. La mayonnaise. Rappeur. T'es le casque de mille voisins là, avec son sous merde là. Putain, vas-y, arrête Skyrock toi là. Pas les couilles, moi. Ah là là, là, putain. Eh, mais je te fous dire. Qu'est-ce que j'ai écrit? On s'en sortira seul. Oh là là là là. C'est toujours les mêmes qui réussissent. Toujours les mêmes qui restent en bas de l'échelle. Toujours. Putain. Toujours les mêmes qui sont nés sous un escabeau. Toujours les mêmes. Embargo. Bande de salopes. J'suis aux frontières de la fiction, ma vie donne des frissons. Vu que j'sais comment l'État et les flics sont. Moi c'est qu'ils aient enchanté, un peu déjanté. J'avoue chante pour les désenchantés. J'suis coupable depuis l'âge de l'innocence. C'est triste à dire, mais y'a que l'argent qui régit nos sens. J'suis classé violent dans les sondages. Ici faut mettre les putes au pouvoir car leurs fils ils sont déjà. J't'annonce la couleur dès l'intro. J'ai tellement traîné dans l'entrée que la poisse m'a idolâtré. J'ai des tonnes de semards fourgués, le regard fougueux. J'viens du 80 en spoulet. Trop perdu de temps à trimer pour que dalle. J'suis dans ma bulle mais pas dans la même que diable. J'pick up à tous mes chiens errants. Si ma vie c'est un film, appelle-le le bon, la brute et le teaser. Hey, toi t'es pas Michel Platini. Tu as niqué la France, alors t'es pas timide. Mais c'est quoi que tu mimes en levant le troisième doigt à Gaulois? Dois-je comprendre que c'est moi que tu niques? Hey, moi j'suis pas Michel Platini. Oui j'ai baisé la France, non j'fais pas timide. Mais c'est quoi que tu mimes en levant le troisième doigt au noir? C'est hardcore ça. Elle m'a traité de bon à rien, aujourd'hui j'en rigole. Nostalgique, je l'avoue, j'étais qu'un grand guignol. Je préférais l'antipope, la feuille et le stylo bic. Les tasses peuvent vider les branquignoles. Aujourd'hui qui l'ignore? Le rap tourne en rond comme un trou du cul. Y'a que de la merde dans le fond, dans la forme, y'a que des vrais puristes. Pas de major ni de maison de disque, mais rien à foutre, j'suis libre. Comme Mulder et Scully, aux frontières du réel me livre. Au combat de ma vie, socialiste pour une France plus libre. Rien à foutre de vos jugements, seul Allah peut me punir. Je peux mourir fané comme une tulipe. Mais avant je viens écrire ce que je veux pas que tu lises. Alors j'utilise mon art et ma science. Les vrais héros de ce monde ne portent pas de tunique. Hein, toi t'es pas Michel Platini. Tu kiffes enculer la France alors faut pas que tu nies. Mais c'est qui que t'imite en levant le troisième doigt, connard? Moi c'est SK plus de classe. Et il va pas te punir. Et si t'as pas de cuni, pas d'alcool, pas de spliff, y'aura toujours qui sert. T'es un portuniste. Toi t'es pas Michel Platini. Non, non, non. Tu as niqué la France alors y'aura t'es pas toujours qui sert. Mais c'est quoi que tu mis l'importuniste? Y'aura toujours plus de classe avec FK. Y'a pas de couleur, y'a pas de frontière mon frère. Avec la Légion urbaine et les scélérats mon gars. Ok on est là, y'a pas de couleur, pas de religion. On est des frères, avant tout solidaires. C'est hardcore, pour une seule cause. C'est hardcore. Kicker le micro. C'est hardcore.